vivons dans une société si délicieusement dépendante de la science et de la technologie que presque aucun d'entre nous ne sait quoi que ce soit à propos de la science et de la technologie. C'est une évidente prescription pour un désastre. Ces mots, ce sont ceux de Carl Sagan, astronome, père de l'exobiologie et du programme SETI, l'un des cerveaux derrière les premières missions spatiales de la NASA. Grand vulgarisateur également via la série télévisée Cosmos, diffusée dans 60 pays et vue par plus de 500 millions de personnes à travers le monde, Carl Sagan est devenu le père spirituel de toute une génération d'astrophysiciens. Carl Sagan, bonjour Cosmos, c'est le programme qui va être le nôtre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le parcours et le leg scientifique de Carl Sagan, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en direct des studios de nos camarades de France Bleu Orléans, Frances Westall, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Sébastien. Vous êtes géologue, astrobiologiste, directrice du groupe d'exobiologie du Centre de biologie moléculaire d'Orléans et présidente de l'Association européenne d'astrobiologie. Vous nous en parlerez, on va parler longuement d'astrobiologie tout au long de cette heure. Bonjour Sébastien Carassou. Bonjour Nicolas. Voix connue de nos auditeurs et des auditeurs de France Culture, vous êtes astrophysicien, récemment diplômé d'une thèse brillante et vulgarisateur de talent via la chaîne YouTube Le Sense of Wonder, entre autres. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes de France Culture et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous avez peut-être entendu 2,5 d'audience, des audiences historiques pour notre chaîne. Voilà qui nous réjouit. Et vous pouvez nous suivre également sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Pour commencer, Frances Westall, Sébastien Carassou, un mot peut-être pour expliquer pourquoi cette postérité de Carl Sagan n'est pas la même en France que dans le reste du monde et notamment aux États-Unis où il est très populaire. En France, Carl Sagan est encore relativement mal connu. Sébastien. Eh ben, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Hein. La première raison, c'est que c'était un vulgarisateur à l'américaine et qui faisait son show à l'américaine, ce qui est culturellement moins marqué en France avec notre culture assez scolaire. Mais il y a aussi un problème de traduction. Il y a peu de ses œuvres qui ont été traduites au final. Sur la vingtaine de bouquins qu'il a écrits en langue anglaise, il y en a très peu qui ont été traduits en français aujourd'hui et ils ne sont pas forcément trouvables facilement aujourd'hui d'ailleurs. Et Cosmos, la série qu'il a lancée dans la télévision aux États-Unis, qui a été diffusée dans énormément de pays, la série documentaire la plus vue au monde. 500 millions de vues, hein, diffusée dans 60 pays. Ouais. Et elle a eu une diffusion assez confidentielle en fait en France. Hein. Elle a été diffusée sur Antenne 2 pourtant. Elle a été diffusée sur Antenne 2, mais je crois que c'était pas à des horaires. Alors j'étais pas né, mais je pense que c'était pas à des horaires. C'était pas les horaires de temps X, quoi. D'accord. Frances Westall, comment vous expliquez? Oui, bien sûr, je suis d'origine anglophone, donc anglo-saxon, et je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un problème de diffusion des œuvres, des émissions de Carl Sagan en France. Cela m'étonne, franchement. Mais il y a une chose que vous avez dit en introduisant le sujet, que Sagan, il est un peu le père spirituel de tous les astrophysiciens, mais aussi de beaucoup, beaucoup de scientifiques de différentes disciplines. Moi, en étant à l'origine géologue, j'ai été ravie par ce qu'il faisait et probablement c'est un petit peu à cause de cela que je suis maintenant, je travaille dans le spatial moi aussi. Frances Westall, d'ailleurs, Carl Sagan vous a contacté suite à vos travaux sur précisément, on pensait avoir trouvé des bactéries ou en tout cas des traces de vie organique sur des météorites martiennes et vous avez montré que c'était une contamination humaine et suite à cette publication, il vous a contacté. Non, c'était même avant. En effet, c'est une histoire, une anecdote assez intéressante. Racontez-la nous, on vous écoute. Alors, c'était printemps 1996. J'ai reçu une lettre parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas l'email, donc on utilisait les lettres. Et j'ai reçu une lettre de lui en me demandant de lui envoyer mes travaux sur les bactéries fossiles. Alors, je lui ai renvoyé mes travaux. Et puis, par hasard, en juillet cette année, j'avais, sur la suggestion d'un collègue français, Alain Léger, j'avais écrit à la NASA pour leur demander de m'envoyer un morceau de météorite martienne parce que je voulais voir s'il y avait des traces de vie dedans. Mmh. Alors, en août, il y avait eu la publication d'un groupe de chercheurs du Johnson Space Center de la NASA à Houston, en décrivant des traces fossiles de bactéries dans une météorite martienne. Bien sûr, je n'ai jamais eu de réponse à ma demande, mais j'ai su plusieurs années ensuite parce que je connaissais la première femme de Carl Sagan, Lynn Margulis, et m'avait raconté que c'était lui, un des reviewers de cet article. Et évidemment, et en effet, il voulait vraiment, avant de mourir, parce qu'il était très malade à ce moment-là, et il voulait vraiment qu'on aille trouver des traces de vie extraterrestre. C'était quelque chose qui était fondamental pour lui, parce qu'il avait passé toute sa vie à vouloir chercher des traces de vie extraterrestre. Du coup, c'est pour cela qu'il m'avait contacté et ensuite j'ai travaillé avec cette équipe au Johnson Space Center et les traces fossiles qu'ils avaient trouvées, en effet, c'était des artefacts minéraux. Et en plus, j'ai trouvé des bactéries récentes dans les fractures où il y avait de la contamination humaine. Alors, vous, Sébastien Carassou, Carl Sagan ne vous a pas écrit, hein, puisque vous n'étiez pas né. C'est ma plus grosse frustration dans la vie, d'ailleurs. Mais néanmoins, je le disais, hein, pour vous, ça a été vraiment un déclic, une lecture de jeunesse qui vous a conduit sur la voie de vos travaux et de vos recherches, votre carrière professionnelle. Alors, personnellement, j'ai découvert Carl Sagan dans mes années de prépa, donc il y a 6-7 ans à peu près, totalement par hasard, à travers un blog que je suivais qui s'appelait Bad Astronomy, de l'astronome Phil Plate. Et en fait, Carl Sagan a été un petit peu mon introduction à la méthode scientifique, pas l'émission, mais la vraie, et au scepticisme scientifique, à une époque où j'étais vraiment une éponge à l'information. Et du coup, ça a un petit peu changé mon approche de la vie en général, de la vulgarisation scientifique en particulier. Le cosmos en particulier m'a donné envie de partager des connaissances sur l'univers aujourd'hui. C'est grâce à lui que la chaîne YouTube que je réalise avec un ami est faite. Voilà. C'est Francis Whistle. Aux États-Unis, c'est très très marquant, hein, l'héritage culturel, intellectuel de Carl Sagan sur toute une jeune génération. Alors une jeune aujourd'hui qui a plutôt une quarantaine d'années, mais en tout cas sur cette nouvelle génération de gens qui se sont intéressés à l'espace, à l'astrochimie, à l'exobiologie. Carl Sagan a vraiment un rôle fondateur, de transmetteur de savoir, de vulgarisateur extrêmement fort. Oui, tout à fait. En effet, c'est pas seulement aux États-Unis. Moi, je suis née en Afrique du Sud, donc c'est bien loin. Mais c'est partout dans le monde. Dans le monde anglophone, en grande partie, oui. Oui, son héritage, ce sont ses œuvres scientifiques. Il était tellement prolifique. Il était vraiment une génie. Mais son héritage, c'est que c'est pas seulement ses livres, mais je dirais aussi à partir de cet article dont j'ai parlé il y a quelques minutes sur les soi-disant traces de vie dans une météorite. La publication de cet article, bien que l'interprétation est très contestée, a déclenché une avalanche d'études d'intérêt pour la recherche de traces de vie en général. Carl Sagan avait lancé l'idée, avait soutenu avec la NASA et à travers ses activités de divulgation, il avait lancé cette étude. Mais c'est vraiment à partir de cette publication qu'on peut dire que l'exobiologie, l'astrobiologie est devenue vraiment une discipline très intéressante et soutenue et pris sérieusement. Mmh. Alors, on va remonter un peu justement cette carrière scientifique et de grande puissance vulgarisatrice, d'envie de transmettre, de partager non seulement un regard sur le monde, sur l'espace, mais aussi, comme le disait Sébastien Carassou à l'instant, une méthode scientifique, un scepticisme appliqué. Et on va voir que pour ce qui concerne l'exobiologie ou la recherche de vie extraterrestre, ce scepticisme est important parce qu'il justifie une forme de démarche qui était considérée un peu comme vous venez venez de le dire, Frances Westall, comme exotique jusqu'alors. Peut-être pour commencer, je ne sais pas qui veut prendre le point de départ ou le fil de départ sur le tout début de la vie de Carl Sagan. Il est né en 1934 à Brooklyn, d'un père ukrainien, d'une mère new-yorkaise, et il raconte, j'aime bien cette histoire, je vais vous demander de la commenter l'un ou l'autre, que l'un de ses premiers souvenirs marquants, c'était à l'âge de 5 ans à la grande foire de New York, avec notamment l'enfouissement à Flushing Meadows d'une capsule temporelle qui contenait des souvenirs de personnes vivant dans les années 30. Sébastien Carassou. Une capsule temporelle qui aura sûrement beaucoup de conséquences par la suite, parce que c'est lui qui sera responsable des plaques sur les sondes Pioneer et sur le disque d'or sur la sonde Voyager, qui a été envoyée aux confins du système solaire pour pouvoir attester une espèce de snapshot de l'humanité à l'époque du lancement. Et transmettre des informations sur nous à des éventuels extraterrestres qui sont technologiquement avancés. Ouais, alors c'est pas pour tout de suite, hein, parce que Pioneer, crois que Pioneer va c'est Pioneer, dans 40 000 ans. 40 000 ans ou 76 000 ans pour selon Antares, les sondes. C'est ça. Antares, alors Aldébaran pour l'un, Aldébaran et la constellation de l'Aigle pour l'autre. Donc Pioneer 10 et 11. Un mot peut-être, Frances Westall, sur les débuts de Carl Sagan, qui était donc de Carl Sagan, qui était très très brillant, hein, qui s'est inscrit à l'université à l'âge de 16 ans. Vous pouvez nous dire un mot sur le début de sa vie, oui, de son parcours? Oui, en effet, il dit qu'il a pris cet aspect d'interrogation, de questionnement de tous les deux, ses parents. Et bien que ses origines ont été assez humbles, sûrement ses parents l'ont transmis quelque chose, une soif de connaissance, une soif de savoir un peu tout, mais probablement aussi le fait que il a assisté à cet enterrement des souvenirs des années 30. Cela lui a aussi marqué, parce que c'est son questionnement, c'est pas seulement sur la science, mais c'est beaucoup plus grande, et c'est ça qui l'a marqué lors de sa jeunesse. Heureusement il a été très soutenu par ses parents avec tout ce qu'il a fait. Il a eu des enseignants qui ont compris sa brillance, et je crois que voilà, jusqu'à ce que le petit débâcle, disons, autour de où il faisait son doctorat, avec cette soif de connaissance, ça lui a poussé aussi, toute jeune et seule avec des amis, de rendre visite au musée, d'apprendre un peu sur tout. Sébastien Carassou, sur ce début de carrière. Alors, sur ce début de carrière, donc, on peut parler de sa thèse, qui a été une thèse assez brillante, 85 pages, sur trois sujets différents, à une époque où les sujets de thèse devaient être quelque chose d'assez sûr scientifiquement. On ne fait pas des thèses sur de la pure spéculation. Et ben, les trois sujets de thèse de Carl Sagan ont été des sujets de pure spéculation. Alors, le premier sujet, c'était: est-ce que de la vie pourrait exister sur la Lune? Le deuxième, c'était: est-ce que des molécules complexes pourraient formé dans l'atmosphère de Jupiter pour donner naissance à la coloration brune des bandes de Jupiter. Et le troisième, qui a été sa première grande contribution scientifique, ça a été de trouver, de modéliser l'atmosphère de Vénus, qu'on connaissait très très peu à l'époque, et Vénus qui émettait des ondes radio et des ondes micro-ondes beaucoup plus importantes que ce qu'on avait prédit auparavant. Alors c'est une époque où, comme personne ne connaissait vraiment Vénus, personne n'y était allé, on avait des spéculations assez folle, du genre Vénus pourrait être un monde recouvert par des océans sous ses épais nuages. Et le talent de Sagan, ça a été d'appliquer l'idée, pour la première fois, l'idée de l'effet de serre pour expliquer potentiellement cet excès d'ondes radio émises par Vénus. Ce qui a été confirmé bien plus tard par la sonde Mariner 2, qui est un programme auquel il a participé d'ailleurs, dont absolument, on va parler. Absolument, tout à fait. Donc il a conçu certains instruments et il a été consultant scientifique avec la NASA. Mariner 2 qui a plutôt servi sa carrière, puisqu'il a confirmé sa théorie de l'effet de serre sur l'atmosphère de Vénus, et a confirmé que la surface de Vénus était un enfer de 440 degrés Celsius à sa surface, qui était bien plus haut que ce qu'on pensait au départ. Arrêtez répétez-moi ou corrigez-moi si je me trompe, Sébastien, dans ces années-là, c'est-à-dire à la fin des années 50, début des années 60, on se demande encore s'il peut potentiellement y avoir de la vie végétale sur Mars. Mais absolument, absolument. D'ailleurs, ça a été sa deuxième grande contribution, c'était de voir, à partir d'observations qui montraient que, selon les saisons, la couleur de Mars changeait. Elle devenait de plus avec des petits points bruns de temps en temps et qui disparaissaient aussi. Et la force de Sagan, qui était un théoricien, c'était un théoricien pur, il faisait pas d'observations, il se servait d'observations d'autres personnes pour faire ses théories, et il a proposé la première théorie sur l'une des premières théories sur le changement de couleur de saisonnier de Mars, qu'il a attribué à des tempêtes de poussière, ce qui a été confirmé plus tard par Mariner 4 notamment, et d'autres sondes qui sont posées à la surface de Mars. Donc il a eu des contributions majeures dans le domaine des surfaces et des atmosphères planétaires qui sont proches du système solaire, enfin proches de la Terre, quoi. Francis Westall. Oui, je crois en parlant de Mars et Carl Sagan, je crois qu'il a eu une grande implication aussi dans la mission Viking. Bien qui sûr. A posé deux atterrisseurs, deux endroits opposés sur Mars. Et c'est vraiment avec cette mission et les analyses de cette mission qu'on a commencé à franchement penser que peut-être il n'y avait pas de vie du tout à la surface de Mars. Mais c'est aussi grâce à Carl Sagan qui a poussé pour cette mission. Et on va voir hein, que la recherche de vie sur Mars va devenir une sorte de fil conducteur, de presque oui, d'obsession tout, à fait. Tout au long de sa vie. Peut-être un dernier mot sur ce début de carrière avant de parler de ses collaborations avec la NASA. Sébastien, il a travaillé notamment avec George Kuiper, qui va donner son nom à la ceinture d'astéroïdes transneptuniens, et notamment en thèse sur un projet de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune. Alors c'était un projet secret qui s'appelait le projet A-119. Donc il a bossé avec l'US Air Force pendant quelques années, notamment parce qu'il le finançait. Hein, donc il a développé son humanisme et son antimilitarisme bien plus tard avec l'arrivée de la guerre du Vietnam. Mais en attendant, l'US Air Force payait bien et du coup il s'est lancé dans ce projet A-119 qui visait à déterminer quelles pourraient être les informations qu'on pourrait déceler à partir de l'explosion d'une bombe nucléaire sur la surface de la Lune. Et donc il avait écrit pas mal d'articles sur les retombées radioactives potentielles, sur ce qu'on pourrait apprendre de la tectonique de la Lune, etc. Mais bon, c'était des articles bien théoriques, mais qui dénotaient quand même une certaine psyché et une certaine paranoïa de l'époque de la guerre froide. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons de Carl Sagan tout au long de cette heure en compagnie de Francis Westall qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Orléans et Sébastien Carassou ici en studio à la Maison de la Radio. On va parler un peu justement des collaborations de Carl Sagan avec la NASA. On l'a évoqué rapidement. Hein. Il collabore assez tôt hein, à partir du début des années 60, très peu de temps après avoir conclu sa thèse. Et il va collaborer de facto sur les principaux grands programmes spatiaux. Hein, jusqu'à conseiller d'ailleurs les astronautes qui vont partir pour les missions Apollo. Mais ses premières contributions, Sébastien, c'est Mariner, puis Viking, comme l'a dit Frances Westall tout à l'heure, et enfin Voyager. Tout à fait. Alors sa première collaboration scientifique, elle est assez intéressante parce qu'elle vient direct, elle est vraiment au cœur des intérêts de Carl Sagan et de son obsession à vie, on va dire. C'est l'expérience de Miller-Urey qui, dans les années 50, avait montré que si on pouvait reproduire l'atmosphère primitive de la Terre en mettant notamment du méthane, de l'ammoniac, de l'eau et puis une source d'énergie qui pouvait être un courant électrique ou de la lumière ultraviolet qui pourrait simuler soit des éclairs sur la jeune Terre, soit les rayonnements ultraviolets du jeune soleil, et il avait montré, Stanley Miller avait montré, qui était le thésard de Harold Urey, ils avaient montré ensemble qu'on pouvait former des molécules complexes à partir de molécules simples, des molécules organiques complexes, et voire des acides aminés, certaines qui n'avaient même pas été découvertes jusque-là. Et cette expérience, elle va changer l'approche de Carl Sagan et ses questionnements pendant toute sa vie, et il va notamment se servir des expériences de Miller Urey pour ses propres questionnements sur notamment la l'atmosphère de Jupiter. Il a demandé à Stanley Miller de faire des expériences pour reproduire l'atmosphère de Jupiter, pour essayer d'expliquer est-ce que sur la grande tache rouge de Jupiter, par exemple, il n'y aurait pas une explosion chimique qui pourrait notamment conduire à, je ne sais pas, de la vie potentiellement à la surface de Jupiter, dans les nuages d'hydrogène et d'hélium de Jupiter. Cette expérience de Miller-Urey, c'est celle qui va populariser la notion devenue aujourd'hui courante de soupe primitive. C'est aussi les premiers jalons, Frances Westall, de l'astrochimie ou de l'exobiologie. Oui, tout à fait, c'est grâce à ces travaux, mais aussi bien avant, on peut partir de Charles Darwin avec son soupe prébiotique. Mais oui, c'est vraiment grâce à ces travaux qu'on a commencé, les chimistes ont commencé à jouer avec des mélanges de molécules organiques simples pour créer des complexes qui pourront arriver à faire l'assemblage des premières cellules. Carl Sagan, il avait postulé sur une poste de thèse à Harvard avec Urey, mais il a été refusé parce qu'on ne pensait pas qu'il était suffisamment sérieux, parce qu'il faisait un peu trop de divulgation. Donc, il est retourné à Chicago pour faire cette thèse brillante que Sébastien a évoquée. Et oui, ces travaux sur la chimie prébiotique ont patiné un petit peu jusqu'à l'arrivée de cet article des collègues de Johnson Space Center sur les traces de vie extraterrestres. Et à partir de ce moment-là, avec les grands financements, les travaux sur la chimie prébiotique et l'origine de la vie ont pris l'élan et ça devient un peu plus réaliste, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que, la bascule hein, pour tout ce qui est exobiologie et astrochimie, c'est-à-dire la confirmation, est-ce qui va relancer l'intérêt, ce sera à la toute fin de la vie de Carl Sagan en 95 avec l'observation de la première exoplanète. Néanmoins, Sébastien Carassou, les travaux de Sagan ont tout de même contribué à crédibiliser un domaine de recherche, parce que l'exobiologie n'est pas une science, c'est un domaine qui regroupe, hein, on l'a entendu, la chimie, l'astrophysique, la cosmologie, plein de matières, plein de disciplines scientifiques différentes. Mais les travaux de Sagan ont tout de même contribué à crédibiliser ce domaine qui était considéré un peu comme exotique avant, pour ne pas dire farfelu parfois même. Tout à fait, et notamment un des sous-domaines de l'exobiologie qui peut être considéré comme le plus farfelu aujourd'hui, qui est la recherche de vie intelligente dans l'univers. Donc en 1960, Sagan rencontre Frank Drake qui est à l'origine du projet SETI, à l'époque projet OSMA, qui décidait, avec une espèce d'élite scientifique, de prophètes scientifiques, qui vont lancer cette recherche de vie intelligente dans l'univers en utilisant des ondes radio. Donc l'idée, c'est d'écouter l'univers dans les ondes radio qui pourraient être les plus abondantes. Donc écouter par exemple la fréquence 1420 Hz qui correspond à une transition spécifique de l'atome d'hydrogène, qui est l'atome le plus présent dans l'univers, pour écouter si on n'aurait pas des signaux qui viendraient d'une intelligence extraterrestre, qui ne seraient pas issus de la nature. Donc Sagan est parfaitement fan de cette idée et donc il va contribuer à la populariser, même s'il ne va pas contribuer directement aux recherches menées au SETI. Il va faire plein d'articles de spéculation hein, sur plein de sujets de l'exobiologie, allant de la probabilité de trouver une vie intelligente en utilisant ce qu'on appelait l'équation de Drake, qui est une espèce de formalisation de la recherche de vie intelligente dans l'univers. Du même Drake d'ailleurs qui a lancé SETI. Absolument, absolument. Voilà, donc, qui avait conçu cette équation totalement, juste pour lancer une réunion en coin de table, quoi, et qui est devenue une équation très célèbre et largement popularisée au fil des années. Et je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée au paradoxe de Fermi, puisque qui dit paradoxe de Fermi dit équation de Drake. On avait fait une heure entière là-dessus. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission tout de suite. Tout à fait. Et donc, non seulement cette recherche radio de civilisation extraterrestre possible, mais aussi sur... il a pas mal publié sur la probabilité du voyage interstellaire. Il s'était notamment intéressé pas mal à ce qu'on appelait le collecteur de Bussard, le ramjet de Bussard, qui est un vaisseau hypothétique qui pourrait faire le tour de l'univers observable en 50 ans à l'intérieur du vaisseau, en utilisant un immense collecteur à hydrogène et un moteur à fusion nucléaire. Et donc, ce serait un vaisseau qui accélérerait continuellement et qui pourrait atteindre 99% de la vitesse de la lumière. Donc, c'était le genre de question qui passionnait Sagan, quoi, même si c'était, ça a pas mal desservi sa carrière, ce genre de spéculation. Ça, oui, on va le voir, hein, parce que ça, et puis aussi, il y a eu des positions un peu étranges sur les ovnis, parce que Sagan avait envie de croire énormément, et on voit bien, même aujourd'hui, comme tout ça paraît effectivement un peu fantaisiste, mais la force et la puissance conceptuelle de Sagan, c'est d'avoir passé et d'avoir accepté de prendre tous ces domaines-là pour les passer à la moulinette de son scepticisme et d'une méthode scientifique assez rigoureuse. Absolument. Alors, l'histoire de Sagan sur les ovnis, elle est assez passionnante parce que Sagan était un croyant absolu en l'existence des ovnis, à tel point qu'il avait écrit dans ses jeunes années lycée à un secrétaire d'État du Wisconsin, je crois, sur l'idée des ovnis, et il lui avait prévenu de est-ce que vous avez vraiment pris en compte le fait que ces ovnis, donc cette vague d'ovnis qu'on observait dans les années 50-60, pourrait provenir d'intelligences bienveillantes et pas malveillantes comme on croyait à l'époque. Donc le secrétaire d'État lui a répondu, il a envoyé un peu bouler, on va dire. Mais ce qui a été le point seuil de Sagan sur la question des ovnis, c'était un livre qu'il avait lu de Martin Gardner, Fads and Fallacies Around Modern Science, quelque chose comme ça, qui était publié en 51. Et ce livre est le manifeste du mouvement des sceptiques américains, donc ce qui a donné le scepticisme scientifique. Alors en France, on traduit ça par la zététique, donc qui est l'application de la méthode scientifique aux affirmations dites extraordinaires ou paranormales. Et donc, à partir de ce moment, à partir de ce livre, Sagan se rend compte que l'hypothèse des ovnis est pas aussi fondée que ce qu'il avait imaginé au départ. Et à partir de, enfin, tout le long de sa carrière, il va consacrer sa vie à démonter les affirmations d'ovnis, avec notamment un ami qui s'appelait Lester Grispoon, qui était psychiatre dans une université, et avec qui il a contribué à ce qu'on a appelé l'hypothèse socio-psychologique de l'explication des ovnis aujourd'hui, qui est pourquoi est-ce qu'on observe des ovnis. C'est essentiellement dû à comment est-ce que l'information se diffuse dans une société, dans une culture, et c'est pour ça qu'on a certains ovnis avec certaines formes, c'est parce qu'on a certains mythes, certaines références culturelles qui nous donnent ces formes-là, et notamment voilà les cas d'abduction, là, d'enlèvement d'extraterrestres. Et donc voilà. On va revenir dans un instant sur cette autre partie, sur ses travaux et sur ses publications, parce que Sagan va publier un certain nombre de livres précisément pour donner de la matière à penser, de la matière à réfléchir, de la matière à éviter des biais cognitifs quand on approche la question de ce que peut être ou de ce que pourrait être la vie extraterrestre. Mais restons encore un instant dans le domaine de l'exobiologie, puisque l'exobiologie est aujourd'hui reconnue comme un champ de recherche transdisciplinaire, voilà, tout à fait officiel, avec une bascule importante, hein, quand on l'a dit tout à l'heure, qui a été en 1995, un an avant la mort de Sagan, la découverte des premières exoplanètes. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au LISA pour comprendre quels sont aujourd'hui les travaux réalisés dans ce domaine de l'astrochimie ou de l'exobiologie. Oui, j'aimerais vous présenter trois doctorants qui recherchent, eux, de la vie dans le système solaire. Tristan Decker, qui a suivi la mission du rover Curiosity sur Mars. Robin Isnard, qui étudie les comètes et leurs molécules organiques. Et enfin, Laura Rouquette, qui a fabriqué une cuve géante pour simuler l'environnement martien et comprendre comment se dégradent les molécules organiques en surface. L'exobiologie, c'est l'étude en fait de l'origine et de l'évolution de la vie sur Terre et sa détectabilité ailleurs dans l'univers. Un domaine pluridisciplinaire, donc on va retrouver des mathématiques, de la biologie, de la géologie, chimie, physique, tous les grands domaines de la science. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des exobiologistes, parce qu'en fait on vient tous d'une spécialité différente, mais on essaye de travailler en équipe pour répondre à des questions d'exobiologie, et on a besoin de toutes les spécificités pour pouvoir mener à bien ces différentes questions. Nous notamment, en fait, on travaille surtout sur les corps étrangers à la Terre, dans une équipe qui travaille sur l'astrochimie. J'ai fait beaucoup plus de l'expérimentation en laboratoire, parce que c'est important en fait de pouvoir calibrer en fait les expériences qu'on fait sur Mars avec en fait des témoins qu'on a sur Terre. Donc pour ça, moi j'ai travaillé notamment sur deux grosses expériences du robot Curiosity et la recherche de molécules organiques dans le système solaire. Et moi, mon rôle, on va dire, dans ce laboratoire, c'est de travailler sur la mission Mars Science Laboratory, qui est une mission de la NASA qui a été lancée en 2012 et qui cherche à à savoir si Mars a été habitable dans le passé. Alors, je m'appelle Robin Isnard et je travaille sur la mission Rosetta, sur la thématique exobiologie et astrochimie. En fait, je m'intéresse à des données qui ont été collectées pendant la mission. Et moi, je suis là pour traiter les données, entre guillemets, essayer d'utiliser les données pour comprendre la nature chimique des comètes. En fait. Alors, pour le moment, mes travaux ne sont pas encore assez avancés pour que je puisse conclure quoi que ce soit. Mais en tout cas, le sujet de ma thèse, vraiment pour être plus précis, s'oriente sur la caractérisation de la matière organique, des grains cométaires, des grains qui se situent autour de la comète qu'on a étudiée. Et dans ces grains, on s'intéresse à la partie organique, car effectivement, on sait que les ingrédients, les molécules organiques ont joué un rôle, très certainement, dans l'apparition de la vie sur Terre. Et voilà, d'où l'intérêt de mon sujet de thèse, c'est de s'intéresser à cette partie organique. Et on voit déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement une part de composante organique qui est quand même très importante. Alors après, est-ce que on peut pas non plus dire que les comètes sont les seuls objets et sont la seule source? Mais il faut savoir que sur la Terre primitive, il y avait déjà aussi des sources de carbone, en fait. Différentes sources, et les comètes en font partie, mais on pense que c'est pas la seule raison. Donc moi je travaille sur les molécules organiques mais à la surface de Mars. Donc cette expérience, elle simule les conditions de la surface de Mars. On y introduit dedans des molécules organiques et on regarde comment elles évoluent. On se dit que peut-être la vie a pu apparaître sur Mars à l'époque où elle est apparue sur Terre puisque toutes les conditions étaient réunies. Bon, c'est une hypothèse, on n'a aucune certitude. Mais si elle est apparue, elle a pu laisser des traces, notamment sous la forme de molécules organiques puisque ce sont les molécules organiques qui composent le vivant sur Terre. Et donc, il y a plusieurs missions qui ont été partiellement dévouées à la recherche de molécules organiques sur Mars. Mais on en a trouvé très peu. Juste récemment, Curiosity en a détecté, mais une variété vraiment infime par rapport à ce qu'on devrait trouver. Et du coup, on se pose la question de qu'est-ce qui arrive à ces molécules organiques, pourquoi on ne les détecte pas. Alors, donc, on a une grande boîte en fait, qui va être remplie d'azote. Comme ça, il n'y a pas d'air, il n'y a rien qui interfère. On a une lampe qui envoie des UV assez énergétiques, un peu les mêmes que ce qu'on reçoit à la surface de Mars. Ensuite, on a derrière l'expérience un grand dispositif qui permet de refroidir le tout. Donc ça permet de descendre à une température similaire à celle qu'on retrouve à la surface de Mars. Là, nous, en général, on travaille à moins 55 degrés. Et ensuite, on a des petits tuyaux comme ça, là, sur le côté, qui permettent de pomper l'air dans un réacteur qui est placé au centre de l'expérience. Et donc, ça permet de reproduire la fine atmosphère martienne, donc une faible pression de seulement 6 millibars. Et donc, au centre, il y a un réacteur dans lequel on introduit un échantillon de matière organique. Par exemple, moi, je travaille sur l'uracile, qui est une base azotée qui compose l'ARN. Et donc, une fois que cette molécule est introduite, on a tout un spectromètre infrarouge qui permet de suivre l'évolution de la matière organique dans l'expérience. Donc, tout est isolé, on allume la lampe, on est à température et pression martienne, et on a ce spectromètre infrarouge qui permet de suivre l'évolution de l'échantillon. Bah, le but de l'expérience, quand elle a démarré, c'était vraiment de pouvoir soutenir, aider les missions spatiales, dire telle molécule, c'est pas forcément la peine de la rechercher puisque nous, on a vu qu'elle résistait très peu de temps dans les conditions martiennes, mais par contre dans le sol, peut-être, où telle molécule en fait se dégrade mais se transforme en une nouvelle molécule. Donc la molécule A, c'est pas la peine de la rechercher, mais la molécule B en laquelle elle se transforme, ça peut être une cible intéressante pour les missions spatiales. Alors c'est vrai que l'exobiologie, bah, ça a été un peu initié avec Carl Sagan, avec le projet SETI, donc pour la recherche de la vie extraterrestre. Mais en exobiologie, bon, maintenant on est plus sur vraiment les traces du vivant, pas forcément une vie extraterrestre très développée. Mais moi, pour ma part, on cherche beaucoup plus sur Mars des traces de bactéries, vraiment des vies très très primitives. On n'en est pas encore là à chercher, on va dire, des êtres très développés, semblables, humanoïdes à nous, quoi. Voilà les travaux actuels en exobiologie ou en astrochimie. Une réaction, Frances Westall, vous qui êtes astrobiologiste, à ce que vous venez d'entendre? Oui, tout à fait. En effet, je travaille étroitement avec la mission européenne russe ExoMars 2020. Et il faut savoir que cette mission a son origine ici en France. Il y avait un groupe de réflexion de la NASA à la fin des années 90 qui a été présidé par André Braque, qui était mon le fondateur du groupe Exobiologie ici à Orléans. Et je faisais partie de cette groupe de réflexion. Et ce sont nous qui avons eu l'idée de la première mission exobiologique sur Mars. André Braque, qui est l'un des pères fondateurs aussi, l'un des grands noms de l'exobiologie. Tout à fait, oui. Et puis ExoMars, en effet, l'originalité de cette mission, c'est que le robot est doté d'une foreuse qui devrait aller jusqu'à 2 mètres de profondeur, justement pour chercher ces molécules qui sont généralement détruites à la surface. Donc, si on a la chance d'atterrir dans le bon endroit, et ça c'est un peu comme chercher l'aiguille dans la botte de foin, notre mission ExoMars 2020 pourra trouver ces traces. Ces traces qui sont subtiles et généralement difficiles à trouver à la surface de Mars. Et accomplir le rêve de Carl Sagan, hein, de trouver des traces de vie bactérienne ou biologique sur Mars. Oui, tout à fait. Je suis convaincue qu'il y a eu une vie très primitive sur Mars, même probablement plus primitive que les plus anciennes traces de vie sur la Terre. Ces traces que moi, je travaille, traces qui sont vieilles de 3,5 milliards d'années. Mais ce sont des traces de bactéries, disons comme des bactéries aujourd'hui, mais sans l'oxygène. Et c'est probable que sur Mars, on a affaire avec ce qu'on appelle des types de protocellules, des cellules, mais vraiment très primitives. Le grand défi, c'est de faire une distinction entre ces traces, parce que ce sont des traces fossiles de ces êtres. Ils n'existent pas aujourd'hui à la surface. Peut-être dans le sous-sol, mais pas, sûrement pas à la surface. Le défi est de faire une distinction entre une trace qui provient d'un être qui était vivant et des traces qui n'ont rien à faire avec la vie, qui peuvent être semblables, des molécules organiques. La vie est fait de molécules organiques assez basiques. Une réaction rapidement, Sébastien Carassou, à ce reportage et au développement de l'exobiologie. Effectivement, il faut rappeler que Carl Sagan est mort très jeune, il est mort à 62 ans d'un cancer. Sagan qui est mort très jeune, mais qui a contribué quand même énormément au développement de cette nouvelle science pendant les 40 dernières années, on va dire, depuis les années 60 jusqu'aux années 90. C'est intéressant de voir l'évolution. On ne sait toujours pas quelle est l'origine de la vie aujourd'hui. Il y a deux hypothèses qui sont en concurrence. L'origine endogène, qui est la vie est apparue sur Terre avec les molécules qui avaient sur place, ou exogène, où des microbes ont été apportés par des comètes, etc. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'émulations sur ces questions-là, et on espère peut-être découvrir ce lien manquant entre les molécules, les acides aminés et les premiers ARN, les premiers ADN, etc. Mais on n'est pas encore là, quoi. Je ne sais pas combien de générations il va falloir pour pouvoir répondre de manière clair à cette question. Frances Westel, rapidement en un mot, combien de générations? C'est pour bientôt, c'est au bout du chemin, là. Je crois que c'est pour bientôt. Parce que maintenant, on a connaissance, on comprend que l'approche précédente qui était de mettre molécule A avec molécule B en espérant d'obtenir molécule C, ça ne marche pas. C'était pas la situation réelle. Et maintenant, il faut faire des expériences en mélangeant tout le tas de molécules qui étaient disponibles, mais dans les conditions de la Terre primitive. Et même si la vie est venue d'une autre planète qui, par exemple, Mars, était habitable un peu plus tôt que la Terre, toujours est-il la question, comment ça s'est fait? Donc, Mars avait exactement les mêmes ingrédients que la Terre primitive. Donc, je crois qu'on va y arriver, et je crois que la prochaine décennie va nous apporter beaucoup, beaucoup plus d'informations. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, peut-être reconnaissez-vous, si vous êtes un peu plus âgé que Sébastien Carassou, le générique de la série documentaire Cosmos, signée par Vangelis, puisque nous parlons tout au long de cette heure de Carl Sagan, qui a donc réalisé cette série de 13 épisodes de vulgarisation scientifique, série documentaire, jusqu'à il y a peu, parce que je crois que ça a été démenti en 2009, mais qui a été pendant longtemps la plus regardée au monde pour une série documentaire. Je vous laisserai me dire le contraire si ça n'est plus le cas. Nous en parlons en tout cas avec Frances Westall, qui est géologue et astrobiologiste, qui est en direct avec nous depuis les studios de nos confrères de France Bleu Orléans, et Sébastien Carassou, astrophysicien et vulgarisateur via la chaîne YouTube Le Sense of Wonder. Un mot sur cette série télévisée Cosmos, Sébastien Carassou, c'est voilà, sur les raisons de sa popularité. Comment est-ce qu'on explique que ça ait aussi bien marché? Je pense que ce qui a super bien marché avec Cosmos, hein, qui a été tourné sur 3 ans, donc dans le monde entier, dans une quarantaine de lieux, dans 13 pays différents, c'est son côté très interdisciplinaire. Donc Cosmos était aussi interdisciplinaire que Carl Sagan, au final. Et le sous-titre de Cosmos, A Personal Journey, un voyage personnel, est peut-être même le commentaire parfait pour désigner Cosmos. Parce que si on s'intéresse à la vie de Carl Sagan, à sa carrière, à ses intérêts, on se rend compte qu'il a tout disséminé dans Cosmos. Il a disséminé ses théories sur le réchauffement climatique sur Vénus et les conditions climatiques de Mars, qui ont amené à des mondes vraiment différents. Il a été l'un des premiers à populariser le réchauffement climatique par l'émission de gaz à effet de serre dans un des épisodes de Cosmos, notamment. C'est une série qui se baladait à travers les époques pour déterminer la vie des grands scientifiques à qui on doit aujourd'hui notre compréhension du monde. Donc il y avait un côté très narré, très historique, avec de la mise en scène qui était vraiment poussée. On avait aussi de l'humanisme, beaucoup de philosophie, avec des métaphores très ambitieuses sur l'évolution de l'humanité dans l'espace, sur son destin à travers les étoiles. Donc on avait quand même pas mal de... C'est riche, Cosmos, c'est riche. Et je pense que si on le re-regarde aujourd'hui, on peut le revoir avec un œil différent, avec le recul de l'époque. Mais je la préfère quand même... Enfin, elle est à des années-lumière de la suite qui a été lancée très récemment et présentée par Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson depuis 2014. Un mot sur Cosmos, Frances Westall, sur la portée de cette série documentaire, sa portée vulgarisatrice, et comme vient de le dire Sébastien Carassou, quelque chose d'important, c'est effectivement sa grande dimension humaniste. Quand on regarde Cosmos, on est en quelque sorte un peu réconcilié avec l'humanité. Oui, tout à fait. Ça faisait partie de son large questionnement de tout. Je me souviens particulièrement d'un épisode dans lequel il parlait aussi de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui est partie en fumée à cause des idées religieuses. Mais je crois qu'il partait des faits pour démontrer un peu l'idiotie d'une certaine approche et la nécessité de vraiment penser large et essayer de comprendre en utilisant toutes les informations, pas simplement la science, mais aussi, comme a dit Sébastien, les aspects d'humanisme de large portée. Son héritage à travers cette série de documentaires, pour moi, il savait comment transmettre l'information, mais plus que d'autres, il savait transmettre sa passion. Et sa passion de connaître, de comprendre, de voir la position de l'humain dans l'univers, plus ou moins. Le passé, le présent et le futur. Il y a eu une autre dans cette deuxième partie de sa carrière, on va dire, dans cette partie plus consacrée effectivement à la vulgarisation, à l'écriture. Il faut rappeler que Sagan va obtenir le prix Pulitzer pour The Dragons of Eden, Speculation on the Evolution of Human Intelligence, donc les dragons d'Éden, des spéculations sur l'évolution de l'intelligence humaine en 77. Il va fonder également la Planetary Society en 1980, qui est là aussi une volonté de regrouper, de diffuser le savoir autour de l'astrophysique et d'inclure les citoyens là-dedans, même ceux qui ne sont pas des spécialistes, Sébastien Carassou. Tout à fait. Aujourd'hui, la Planetary Society, c'est la plus grande organisation qui a pour but la promotion du spatial au niveau citoyen. Donc aujourd'hui, le président de la Planetary Society, c'est Bill Nye the Science Guy, qui a lancé récemment une nouvelle saison de son émission sur Netflix, qui est un peu le Carl Sagan moderne, on va dire, enfin, en tout cas encore vivant, avec une approche très différente, mais qui a été aussi l'étudiant de Sagan. Il a suivi son cours de planétologie dans ses jeunes années. Et aujourd'hui, l'héritage de la Planetary Society, c'est non seulement de la promotion des activités d'exploration spatiale, mais aussi la réalisation de missions supplémentaires. Et donc l'une de ces missions, par exemple, c'était la sonde, le démonstrateur technologique LightSail 1, qui est l'un des premiers démonstrateurs technologiques privés de voile solaire. Donc c'était une voile de 32 km carrés de 32 mètres carrés, de surface, qui marchait selon la pression de radiation du soleil, donc qui la poussait comme une voile et qui pouvait l'accélérer à des vitesses assez intenses. Et aujourd'hui, c'est cette notion de voile solaire que Sagan aurait aimé lancer lui-même, qui a essayé, le lancement a malheureusement raté à l'époque. Et il nous donne des promesses assez énormes sur le futur de l'exploration interplanétaire et interstellaire, parce que c'est le projet Breakthrough Starshot, qui avait été lancé par Yuri Milner il y a deux ans, et Stephen Hawking, qui fait partie du comité scientifique, pour envoyer une flotte de voiles solaires explorer le système de Proxima du Centaure. De nanosondes, qui seraient portées par des voiles solaires. Un mot tout de même pour conclure sur dans l'un de ses livres, The Demon Hunter World, Science as a Candle in the Dark, le monde hanté de démons, disons, la science comme une bougie dans les ténèbres. On parlait tout à l'heure du mouvement des skeptics américains, du scepticisme scientifique. Il écrit un petit guide qui s'appelle Fine Art of Balloon Detection, le guide, une sorte de guide de sens critique, et où vraiment il a pour volonté non pas seulement d'apporter du savoir, mais de transmettre des outils, une sorte de boîte à outils intellectuelle, pour permettre effectivement de défaire les pseudo-sciences, les fausses réalités, les croyances, en s'appuyant lui-même sur son expérience vis-à-vis des ovnis, comme on le racontait tout à l'heure. Un mot là-dessus et au regard peut-être de notre société aujourd'hui en 2017, qui a une place de plus en plus importante accordée justement aux pseudo-sciences, aux idées complotistes. Alors oui, Normand Baillargeon, qui est un sceptique canadien, avait traduit le kit de Balloony Detection en kit de des questions de Poutine, qui est une traduction approximative de ce kit d'autodéfense intellectuelle. Et donc, dans ce kit d'autodéfense intellectuelle, on pouvait trouver des arguments sceptiques du genre le rasoir d'Occam, donc à résultat égal, une explication plus simple sera généralement préférée. On pouvait trouver des arguments, des conseils du genre il ne faut pas se fier aux arguments d'autorité, par exemple. L'autorité s'est souvent trompée, donc un argument d'autorité n'a pas valeur, c'est un biais. Tout à fait. Il y avait aussi ce dicton selon lequel des affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires, qu'on attribue aujourd'hui à Sagan, mais qui le prédate peut-être. Donc il y avait cette notion-là de si on avait ce kit, on pouvait moins se faire avoir que la moyenne des gens. Et à l'époque de Sagan, le cancer de médiatique, c'était les ovnis et c'était l'astrologie. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Mais on est sur une montée des fake news sur d'autres domaines. De la croyance dans les complots, encore avec une résurgence de la pensée de la Terre plate, par exemple. Par exemple, ce qui est absolument étonnant aujourd'hui, où le mouvement des anti-vaccins, le mouvement de déni climato-sceptique. Donc, Ce combat des sceptiques aujourd'hui, des zététiciens en France, il est d'autant plus important aujourd'hui que Sagan y a apporté une énorme contribution. Quel regard Francis Westall porterait Carl Sagan sur notre société de 2017, avec à la fois des réalisations en termes d'astrophysique incroyables, la sonde Rosetta par exemple, pour ne parler que d'elle, et en même temps cette résurgence de la pensée complotiste, obscurantiste, des pseudosciences? Oui, je crois qu'il sera assez frais. Il aura fait tout ce qu'il pouvait pour lutter contre cette désinformation. Mais en effet, l'astrobiologie, un des points forts de l'astrobiologie, c'est que les gens aujourd'hui, ils sont très intéressés. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre? Est-ce que nous sommes seuls? D'où venons-nous? Et à travers le domaine d'astrobiologie, on a une possibilité de lutter contre l'ignorance, de la désinformation. Et en étant astrobiologiste, moi-même, je vois que le rapport avec le public, le grand public, à n'importe quel moment, même étant assise à côté de quelqu'un dans le train ou dans l'avion, on peut transmettre des informations, des idées. Et je trouve toujours que le grand public est fasciné, est très, très, très intéressé. Un dernier mot peut-être pour conclure, Sébastien Carassou. L'une des prévisions de Carl Sagan qui s'est avérée juste, c'est celle notamment de la présence d'un océan sous-marin sur Europe, le satellite de Jupiter. Ça veut dire que peut-être que l'une de ses contributions indirectes, ce sera effectivement finalement d'avoir réussi à trouver de la vie extraterrestre dans notre propre système solaire, puisqu'on place de grands espoirs dans la future exploration d'Europe et des lunes glacées de Jupiter. Absolument, et de Saturne. Je crois qu'il y a la mission JUICE qui va décoller dans les années 2020, ou quelque chose comme ça. Et peut-être Europa Clipper, plus tard. Et voilà, et un peu plus tard, peut-être une sonde qui irait plonger dans l'océan sous-marin à 10 km de profondeur. Ce serait un défi technique très intéressant, mais j'espère toujours être là pour le vivre. Frances Westall, à ce propos-là, sur Europe ou Ganymède? Europe ou Encelade, je crois que si on pourra obtenir des échantillons, des plumes, de l'eau, des geysers, des geysers du pôle sud. Les geysers, exactement, oui. Si on peut obtenir des échantillons, ce sera absolument fascinant. Aujourd'hui, ce sont sur ces planètes qu'on pourra peut-être trouver des traces de vie vivantes. Aussi dans le sous-sol de Mars, mais je crains qu'il faudra des humains sur Mars pour faire les grands forages. Et pour des humains sur Mars, on est loin d'être rendu, comme nous vous l'expliquions il y a peu dans une émission « Ira-t-on un jour sur Mars ?» dont on va vous mettre le lien tout de suite sur notre fil Twitter. Mais pour l'heure, eh bien c'est l'heure, comme chaque jeudi, de notre bibliothèque des sciences. Toutes les semaines, un grand livre de la littérature scientifique qui a permis des changements paradigmatiques, une évolution de la pensée scientifique. Aujourd'hui, Ami Dahan nous parle du dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Galilée. La bibliothèque des sciences. Donc on sait que Galilée a écrit directement en italien cet ouvrage du dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Galilée, Galileo Galilei, qui est vraiment un des ouvrages fondateurs de la science moderne et de la modernité. Et il a été traduit en français pour la première fois et publié en 1992. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été terminé, mais grosso modo, entre 1600 et 1630, c'est un ouvrage qui est longuement mûri par Galilée. Et à ce moment-là, même le père Mersenne lui propose de le publier en français, sachant que dans le climat de l'Italie, c'est très difficile pour lui. Et on se prend un peu à rêver du fait que Galilée aurait pu publier cet ouvrage en français et peut-être échapper, ou en tout cas le cours ultérieur de son destin avec le procès et son interdiction en Italie aurait été peut-être changé. Donc Galilée est copernicien depuis les dernières années du XVIe siècle. Il ne croit plus au géocentrisme. Il a affronté aussi le problème de la matière céleste, ces fameuses sphères cristallines sur lesquelles seraient incrustées les planètes, dans la conception aristotélicienne. Et depuis 1609, il utilise une une lunette et des observations qu'il effectue et qui renforcent énormément sa conviction qu'il faut refondre complètement le système du monde. Et à cette époque, la doctrine de Copernic était considérée par certains pères de l'Église comme éventuellement acceptable, notamment le fameux cardinal de Bellarmine, à la seule condition de la considérer comme une fiction mathématique permettant de mieux prévoir les apparences célestes, c'est-à-dire les mouvements apparents des planètes sur la voûte céleste, mais en aucun cas la réalité du monde. Et donc tout ceci explique le contexte de la forme littéraire de ce fameux ouvrage, le dialogue sur les deux systèmes du monde, qui présente les deux hypothèses d'Aristote et de Copernic sans avoir l'air de prendre parti. Enfermez-vous avec un ami dans la plus grande cabine sous le pont d'un grand navire et prenez avec vous des mouches, des papillons et d'autres petites bêtes qui volent. Munissez-vous aussi d'un grand récipient rempli d'eau avec de petits poissons. Accrochez aussi un petit seau dont l'eau coule goutte à goutte dans un autre vase à petite ouverture placée en dessous. Quand le navire est immobile, observez soigneusement comme les petites bêtes qui volent vont à la même vitesse dans toutes les directions de la cabine. On voit les poissons nager indifféremment de tous les côtés. Les gouttes qui tombent entrent toutes dans le vase placé dessous. Si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de jeter plus fort dans une direction que dans une autre lorsque les distances sont égales. Si vous sautez à pieds joints, comme on dit, vous franchirez des espaces égaux dans toutes les directions. Quand vous aurez soigneusement observé cela, bien qu'il ne fasse aucun doute que les choses doivent se passer ainsi quand le navire est immobile, faites aller le navire à la vitesse que vous voulez. Pourvu que le mouvement soit uniforme, sans balancement dans un sens ou dans l'autre, vous ne remarquerez pas le moindre changement dans tous les effets qu'on vient d'indiquer. Aucun ne vous permettra de vous rendre compte si le navire est en marche ou immobile. En sautant, vous franchirez sur le plancher les mêmes distances qu'auparavant. Et ce n'est pas parce que le navire ira très vite que vous ferez de plus grands sauts vers la poupe que vers la proue. Pourtant, pendant le temps où vous êtes en l'air, le plancher au-dessous de vous court dans la direction opposée à votre saut. Si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'aurez pas besoin de plus de force pour qu'il le reçoive, qu'il se trouve du côté de la proue ou de la poupe, et vous à l'opposé. Les gouttelettes tomberont comme auparavant dans le vase du dessous, sans tomber du côté de la poupe, et pourtant, pendant que la gouttelette est en l'air, le navire avance de plusieurs palmes. Les poissons dans leur eau ne se fatigueront pas plus pour nager vers l'avant que vers l'arrière de leur récipient. C'est avec la même facilité qu'ils iront vers la nourriture que vous aurez disposée où vous voudrez au bord du récipient. Enfin, les papillons et les mouches continueront à voler indifféremment dans toutes les directions. Jamais vous ne les verrez se réfugier vers les parois du côté de la poupe, comme s'ils étaient fatigués de suivre la course rapide du navire, dont ils auront été longtemps séparés, puisqu'ils restent en l'air. Brûlez un grain d'encens, il se fera un peu de fumée que vous verrez monter vers le haut et y demeurer, tel un petit nuage, sans qu'elle aille d'un côté plutôt que d'un autre. Si tous ces effets se correspondent, cela vient de ce que le mouvement du navire est commun à tout ce qu'il contient aussi bien qu'à l'air. C'est pourquoi je vous ai dit de vous mettre sous le pont. Il est un peu long, mais en même temps, c'est le style de Galilée. C'est-à-dire d'accumuler les choses très concrètes, très, très proches de la vie, pour convaincre l'auditeur, que le lecteur, que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc je crois que ce passage, qui est évidemment sur le principe d'inertie, qui est un des principes fondamentaux de justement cette unification que produit Galilée, est très important. Sur la question du cosmos et l'ordre des planètes, ce serait évidemment très important de voir toute la progression dont fait preuve aussi Galilée, pour convaincre l'aristotélicien, donc les adeptes de la physique d'Aristote, que là aussi, on ne peut pas séparer la physique de la Terre et du monde sublunaire de ce qui se passe dans les cieux et qu'il y a une unité profonde du cosmos. Voilà, c'était la Bibliothèque des Sciences d'Amida. Vous pouvez retrouver la Bibliothèque des Sciences, comme toutes les missions et toutes les chroniques de la méthode scientifique, sur le site franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Merci beaucoup, Frances Westall. Merci, Sébastien Carassou, d'avoir été nos invités pour cette émission consacrée à Carl Sagan. Merci à nos camarades de France Bleu Orléans pour le duplex. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Sarah Hijman, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Biro à la réalisation, et Lise-le à la technique.